théâtre représente la chambre d'Argan. Argan, le malade imaginaire. Argan est assis, ayant une table devant lui, et il compte avec des jetons les parties de son apothicaire.